La chronique de Raymond Beltran. Société laïque, républicains et laïcs audois. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Antonio Machado. Parmi les poèmes de Antonio Machado, celui-ci est l'un des plus connus. On cite souvent deux vers du refrain et parfois hors de propos du poète. J'ai cru que cela pouvait intéresser certains de lire le texte complet pour mieux le comprendre, pour mieux situer ces deux vers dans le contexte du poème. Pour les non-hispanophones, je me suis risqué à en faire une traduction que j'ai voulu fidèle, mais non littérale. Antonio Machado se trouvait à Barcelone à la fin de la guerre d'Espagne. Il partit vers la France avec la Retirada et mourut dans un hôtel de Collioure, un mois après son arrivée. Il est enterré dans le cimetière de Collioure. Ceux qui voudront écouter une interprétation du poème par le chanteur Juan Manuel Serrat, il leur suffira de cliquer sur le lien indiqué. Chant. Tout passe et tout demeure, notre vie est passée, passée et tracée des chemins sur la mer. Je n'ai jamais cherché la gloire, ni voulu laisser en la mémoire des hommes ma chanson. J'aime les ambiances subtiles, en apesanteur, légères comme des bulles de savon. J'aime les voir se teinter de lumière et de couleur, voler sous le ciel bleu, trembler et, d'un coup, se briser. Je n'ai jamais cherché la gloire. Voyageur, ton chemin, c'est la trace de tes pas et rien de plus. Passant, il n'y a pas de chemin. On trace son chemin en marchant. En marchant se trace le chemin et, le regard se retournant, voit la route que jamais on ne pourra à nouveau refaire. Passant, il n'y a pas de chemin, seuls des reflets sur la mer. Il y a quelque temps, en ce lieu, où les bois se couvrent à présent d'épines, on entendit un poète crier « Passant, il n'y a pas de chemin, on trace son chemin en marchant !» Pas à pas, vers après vers. Le poète est mort loin de son foyer, le recouvre la poussière d'un pays voisin. En s'éloignant, on le vit pleurer. Passant, il n'y a pas de chemin, on trace son chemin en marchant, pas à pas, vers après vers. Quand le chardonneret ne peut chanter, quand le poète devient pèlerin, quand à rien ne sert de prier, passant, il n'y a pas de chemin, on trace son chemin en marchant. Pas à pas, vers après vers. Antonio Machado.